Bonjour à tous, on est à l'envers du bocal avec la Caradoc. Caradoc, Caradoc, Caradoc. La Caradoc arrive ! Moi, les traînes patins, je les remets au travail vite fait. Eh oh ! La Caradoc a filmé le travail. Voilà, nous voilà pour cette émission à la Caradoc, qui n'est pas à la Caradoc, mais avec les filles de la Caradoc. Salut Flo ! Salut Marie ! Salut ! On est plein là. On est bien, on est bien. Et on est où ? On est à l'envers du bocal. L'envers du bocal, oui. Alors on est accueillis par... Ah tiens, je vois, t'as un petit peu de temps à nous accorder là ? Ah, le stress. Et on donne un micro au serveur de l'envers du bocal, oui, qui nous bonjour. Accueille gentiment aujourd'hui. Et au gérant, évidemment. Bonjour. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles ? Est-ce que tu peux nous présenter un peu le bar ? Ben, moi, c'est Noé. L'envers du bocal, c'est un bar, épicerie, culturelle. Il y a plein de choses qui se passent par ici. Voilà, ça fait 2 ans qu'on est ouvert. Et tout se passe pour le mieux. Ok. Et pourquoi l'envers du bocal ? L'envers du bocal, c'est un projet... Ça remonte il y a un petit peu longtemps. Auré, il avait monté un festival avec des copains qui s'appelait le Tacoglin. C'était assez génial. Ils avaient construit des bateaux et en fait, ils emmenaient des gens sur le Clin et ils s'arrêtaient au milieu de la rivière. Il y avait des gens qui dansaient, qui chantaient, qui comptaient, qui slamaient. Il y avait aussi des concerts sur les berges et tout. Enfin, c'était assez marrant et c'était dans l'idée d'avoir un festival familial, ouvert, voilà, il y avait plein d'artistes, des plasticiens, il y avait plein de choses. Et nous, on était voisins à l'époque et on s'est rencontrés entre autres autour de ce festival. Et puis, il y a eu l'idée de monter un projet dans le même état d'esprit, mais plus pérenne, quoi, pas en festival. Il commençait à y avoir beaucoup de monde sur le festival, un peu trop pour eux. Donc voilà, il y a eu l'idée de l'envers du bocal et puis... Et puis l'envers du bocal, si vous allez à l'épicerie, vous verrez, il y a plein de bocaux partout. L'idée, c'est qu'on travaille qu'avec des producteurs locaux, en circuit court. Et on va rencontrer les gens. Donc nous-mêmes, on essaie de voir un peu ce qu'il y a derrière le bocal. Et puis on ramène aussi les producteurs aussi ici, donc pour qu'ils puissent eux aussi parler de ce qu'il y a derrière tout ce qu'on mange. En fait, c'est un peu l'idée aussi de... Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont assez éloignés de tout ce qui se trame derrière l'assiette, quoi, voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Ok, merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation, et merci pour votre accueil. Avec plaisir. Donc, nous, en tout cas, on est là en direct de 18h à 19h à l'envers du bocal, et on sera en rediffusion demain à Radio Pulsar, à 14h, je crois. J'ai un 8 de Joël là-bas, je crois que c'est ça. Et du coup, alors aujourd'hui, on va parler de filmer le travail. Parce qu'on est en lien avec le festival Filmer le Travail. Donc on a plusieurs invités, on a des étudiants, on a Evelyne Coutan, on a des lycéens. Qui c'est qu'on a d'autres ? On va avoir des petites pastilles comme Gilles Kerr. Enfin, voilà, on a plein de monde qui va venir, on a plein de monde qu'on va écouter. Mais avant ça, on aimerait bien quand même vous présenter la Caradoc. Qu'est-ce que c'est la Caradoc ? Qu'est-ce que c'est la Caradoc, France ? La Caradoc, c'est une caravane qu'on a avec la Profondeur des Champs, c'est notre association étudiante à Angoulême. On fait partie du Créadoc et on fait des documentaires sonores. Et cette caravane, elle nous permet de diffuser ces documentaires sonores, de les faire écouter et puis aussi d'aller de festival en festival et puis de lieu en lieu. Pour présenter les docs et pour faire des émissions comme celles qu'on fait aujourd'hui avec vous. Voilà. Ok, et à la Caradoc, qui fait partie de la Caradoc ? Qui fait partie de la Caradoc ? Les étudiants du Créadoc. Les étudiants de ? Les étudiants de ? De ? Il n'y a pas que des filles dans la Caradoc ? Oui, il n'y a que des filles dans la Caradoc. On est d'accord. Dans le prochain Caradoc, mais à Profondeur des Champs, il y a aussi des garçons. Oui, il y a aussi des garçons. C'est quoi, Profondeur des Champs ? On l'a dit, t'écoutes pas Elodie ? voilà, donc du coup, c'était pour faire un peu le lien, ce truc des femmes avec la petite rencontre qu'a faite Camille aujourd'hui. Si tu veux nous la présenter. Oui. Du coup, nous, aujourd'hui, on était à la conférence la Servante écarlate du néolibéralisme avec Johan. On avait bien envie d'aller voir ça. Ça parlait de féminisme. On s'était déjà posé des questions pendant le festival sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les films qu'on a vus. Et du coup, on avait bien envie de découvrir la conférence. Et donc, la conférence, ça se basait sur des séries et des films mainstream plutôt. Et ça parlait de féminisme et notamment du concept de faux féminisme. Du coup, on a interviewé Émilie Noteris qui faisait la conférence. Et voilà, on peut écouter son interview. Ça marche. If you're not the best, don't waste my time. I don't like you. Otherwise, this is still the best module you will take this year. Donc cette série, elle s'avère en fait une excellente introduction au discours pernicieux que la féministe et militante Bell Hooks qualifie à juste titre de faux féminisme. Le faux féminisme, qu'est-ce que c'est dans le monde du travail actuellement? Le faux féminisme, c'est une forme de collaboration extrêmement intriquée dans le néolibéralisme. Donc c'est une adaptation extrême d'une surface de discours féministe, c'est-à-dire de parité en général. Quand on parle de faux féministes, ce sont des femmes qui sont essentiellement intéressées par les chiffres, par la représentativité et sur l'accession des femmes au pouvoir. Donc pas tellement une émancipation globale, mais une émancipation de certaines femmes dans la société qui sont déjà puissantes pour les laisser accéder au pouvoir et s'insérer dans le monde des hommes. Donc en général, d'ailleurs, ces femmes-là, comme Sheryl Sandberg de Facebook, ce sont des femmes qui écrivent des livres et qui prônent justement un mode de vie basé sur l'empowerment et sur l'adaptation au monde des hommes, mais elles-mêmes pour se faire, pour pouvoir travailler, pouvoir sortir, travailler plus. Quand elles ont des familles, par exemple, elles emploient des femmes de couleur. Donc il y a une exploitation de certaines femmes pour arriver à leur fin. Donc il y a un problème déjà de toute façon de cette libération du temps de travail au détriment d'autres femmes. It's absolutely wonderful. Is wonderful. I'm blessed to have a home and a husband to care for our family. Moi, je cite à chaque fois les paroles de l'afroféministe Bell Hooks, qui est juste hyper claire et très simple là-dessus, qui explique que le sexisme, c'est ça le problème. C'est pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Il y a des femmes qui ont des comportements sexistes. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire que seulement les hommes sont concernés. Il y a une certaine catégorie de femmes qui veulent à tout prix être acceptées dans la société masculine. Alors c'est des phénomènes, il ne s'agit pas de pointer du doigt non plus, je veux dire, c'est des différents phénomènes à l'œuvre psychologiques qui peuvent expliquer ça. Mais des femmes peuvent détruire d'autres femmes, justement, dans le cadre de cette société hétéronormée, patriarcale, néolibérale. Elles ne font que suivre les jeux de pouvoir qui sont déjà à l'œuvre, de s'y conformer et donc de disqualifier les autres femmes, puisque c'est ce qui se produit de toute manière. Donc c'est une reproduction de ce qui existe déjà. C'est une posture qui, même si du coup certaines femmes arrivent au pouvoir, il n'y a strictement aucun changement dans la société qui est opéré. Est-ce que féminisme et libéralisme sont compatibles ? Ma réponse, moi, c'est non. Assez clairement. Après, compatible, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, on peut vivre dans des temporalités différentes. C'est-à-dire que moi, je peux essayer d'avoir une position féministe et queer au sein d'une société néolibérale. Donc, ça peut coexister, c'est-à-dire que ça existe en même temps. Mais si on veut réformer globalement la société, non, on ne peut pas continuer à fonctionner avec ce système-là. Et du coup, est-ce qu'il y a des théories féministes ou queer qui proposent un autre modèle ? Il y a eu, ne serait-ce que dans la théorie marxiste ou anarchiste, il y a toujours eu des femmes et même certains hommes aussi qui avaient une pensée féministe, c'est-à-dire envisager politiquement des alternatives à la société dans laquelle il ou elle vivait à l'époque en proposant autre chose. Donc effectivement, dans les milieux politiques, il y a ça. Après, souvent, dans les milieux anarchistes, marxistes ou militants, il y a aussi une problématique à laquelle se frotter, que les rapports de pouvoir ne sont pas effacés et qu'il n'y a pas forcément de convergence des luttes. Donc le problème, c'est de regrouper tout ça et de faire comprendre que, par exemple, la discrimination des femmes, ça a un lien avec le traitement des migrants, ça a un lien avec le rapport avec la planète. Enfin, c'est connecté avec tout un ensemble de choses. Et l'effort à faire, c'est celui de regrouper les problématiques et de démonter des rapports qui ne sont pas forcément identiques, qui se surajoutent les uns aux autres. Il y a des tas d'expériences différentes, mais comment ça œuvre dans le même sens et comment il faut tout démonter en même temps, en fait. Je suis travailleuse du texte, parce que c'est une appellation qui est à la fois une provocation et une description. Parce que je travaille dans différentes directions. Je suis traductrice, je suis auteure, j'écris de la théorie, j'ai écrit des romans, j'ai des ateliers d'écriture que je mène, je donne des conférences. Donc tout ça, c'est très long quand on en parle. Donc travailler du texte, ça résume, c'est parfait. L'écho qu'on entend, enfin à chaque fois les gens entendent quand ils disent travailleuse du texte, on entend travailleuse du sexe. Alors que si un homme prononce ça, travailleur du texte, ben, c'est marxiste, hein, ça ne fait pas du tout... aucun lien avec la prostitution. Donc c'est aussi un marqueur de là où moi je me situe dans le féminisme. Merci. Merci beaucoup. Alors on remercie Johan et Camille pour cette interview. Et on a des lycéens de Saint-Ouen, je crois, qui nous ont rejoints à l'envers du bocal. Oui, ah oui, de Saint-Ouen. Oui, là, ils arrivent tous de Saint-Ouen. Alors, je crois qu'ils sont venus avec leur professeur de philo. Leur professeur de philo, bonjour. Bonjour. Bonjour, en l'occurrence, c'est l'histoire des arts qui nous a fait venir ici, parce que cette année, on travaille un thème qui est le travail, précisément, représentation et mémoire du travail. Et donc, on s'est dit que le festival tombait à point nommé. Voilà, et puis, par ailleurs, je connaissais Poitiers, que j'aime beaucoup. Donc voilà, on a joué à l'utile à l'agréable. Et voilà. Du coup, vous avez passé la semaine ici ? Non, malheureusement, non, on ne reste que 2 jours. D'accord. Donc aujourd'hui et demain. Voilà. Et donc ils ont assisté ce matin à une série de courts-métrages, dont l'un a été sélectionné. Ils ont participé au jury. Et cet après-midi, on a vu un film et je leur laisse la parole. Ouais, on serait ravis d'entendre votre expérience de filmer le travail. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Reine Salomé. Ok, et alors filmer le travail, c'était comment ? C'était intéressant, surtout du coup le court-métrage qui a gagné quoi. Tu peux nous le décrire un peu ? Il s'appelait Le Marcheur et du coup ça parlait, la voix off nous expliquait un peu comment ça se passait dans les élevages de poulets, les élevages fermés. Et il nous décrivait un petit peu l'atrocité des lieux et tout. Et du coup, c'était intéressant parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe derrière ce qu'on mange. Et du coup, là, on sait un peu comment sont produits nos nuggets et tout. C'est intéressant, quoi. Voilà. Et du coup, tu n'aimes plus les nuggets ? Si, je les aime toujours. Mais ça fait réfléchir sur comment, du coup, les conditions des poulets, quoi. Enfin, je veux dire, ils n'ont jamais vu le ciel et ils se font tuer comme ça. Et voilà, quoi. C'est pas cool. Alors, j'ai encore rien écouté, je suis désolée, je suis un peu la mauvaise élève. Mais vous étiez jury, en fait, sur ces... Tous les élèves qui étaient invités, on avait une feuille et on devait noter, mettre une note sur 5 au film, au court-métrage. Et je pense que, du coup, ça s'est joué comme ça. Celui qui a eu les meilleures notes, c'est celui qui a gagné, je pense. D'accord. Et alors, combien vous avez mis à ce film-là ? Celui-là, je crois que je l'ai Ou alors, c'est confidentiel, non, je sais pas. Non, je l'ai mis 4,5, celui-là. 4,5. Et alors, une autre réaction par rapport à ce film de... Vous êtes toute la classe, là, ou vous êtes, c'est un nombre réduit? Non, comment ça s'est passé, là, votre venue? S'il y en a d'autres qui veulent parler, peut-être? Non. Oui. On a plein de micros. Hein. Tu voulais parler? Vous n'êtes pas obligé. Bah, du coup, en fait, c'est la classe Histoire des Arts. Il en manque, certes, une. Et sinon, on est tous là. C'est... D'accord. Voilà. Et donc, c'est vous qui avez choisi de faire la classe Histoire des Arts? Oui, c'est ça. C'est une option. Alors, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Alors là, je les vois chuchoter entre eux. Il n'y en a qu'une qui ose parler au micro. Et il y en a 10. Il y a des mains qui se lèvent. On va faire passer les micros. Bah, moi, j'ai choisi de faire Histoire des Arts parce que j'aime beaucoup. Tout ce qui est l'histoire, les ruines et les peintres, surtout les musées. C'est vraiment une passion que j'ai. Et vu qu'en fait, ici, bah, en France, ce n'est pas obligatoire de faire histoire des arts, moi, je l'ai pris comme option parce que c'était quelque chose qui... vu qu'en Italie, je l'ai fait pendant 13 ans. Du coup, quand je suis arrivée en France, bah, j'ai dit pourquoi pas essayer cette nouvelle approche de, bah, de l'histoire des arts, surtout en fait qu'on découvre beaucoup, beaucoup d'artistes méconnus, en fait, surtout des femmes, comme Louise Bourgeoise. J'avais jamais entendu parler de Louise Bourgeoise, mais bah, sœur, Madame Veillard, bah, on a réussi à la connaître, c'est une femme extraordinaire. Il y a aussi Niki de Senfal qui est aussi qui a fait des œuvres d'art extrêmement beaux, comment je dis extrêmement beaux, extrêmement significatifs parce qu'il a une histoire derrière, il y a un pourquoi il a fait, et du coup tout ça c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ah, on a merci un beaucoup. Deuxième doigt levé. En fait. Et comment tu t'appelles, excuse-moi, c'est vrai qu'on t'a pas demandé. Mercedes. Mercedes, ok, merci Mercedes. J'ai choisi l'histoire des arts par rapport à ce que la matière elle allait nous apporter, c'est-à-dire qu'on allait apprendre beaucoup de choses. Par exemple, avec mon professeur, j'ai appris beaucoup de choses sur le féminisme et l'art. Et notamment, on a fait des sorties au musée du Quai Branly. Et on a appris beaucoup de choses cette année. Et alors, ce thème du travail, comment vous le travaillez, justement? Bah, du coup, je crois qu'enfin... Là, on a regardé le film Fatima, et du coup, le film, il était intéressant. Il y en a qui l'avaient déjà vu, mais du coup, moi, je ne l'ai jamais vu. Et c'était intéressant, en fait, de savoir, de voir comment une mère de famille, du coup, issue de l'immigration, qui ne parle pas très bien français, qui ne sait pas lire, comment elle fait pour s'en sortir, pour nourrir sa famille, quoi. Aider sa fille aussi, qui part en fac de médecine, et comment elle fait pour gérer tout ça, parce que du coup, c'est beaucoup pour elle, elle doit apprendre à parler français correctement, à écrire. Elle doit gérer sa fille aussi qui est un peu dans une crise d'adolescence et qui est un peu rebelle et qui aussi a des problèmes identitaires du coup parce qu'elle est d'origine maghrébine et française aussi du coup. Et la mère aussi qui essaye de faire déstresser sa fille qui est en fac de médecine, surtout qu'on sait que la fac de médecine, c'est stressant. Puis je crois qu'elle le rate, son... Non, elle réussit, en fait. elle le réussit à la fin, et ben, en fait, on est tous contents, puisqu'on voit vraiment que c'est pas facile pour cette famille, surtout pour la mère qui, du coup, fait des travails pas très... on va pas dire pas très valorisants, mais des travails assez compliqués, en fait. On va dire que c'est des travails compliqués, c'est beaucoup physique, et du coup, qui demande beaucoup de force et tout ça. Voilà. Merci. Une autre réaction sur le festival ou sur le thème du travail? Ils pchit-pchitent entre eux à nouveau. Hein, vous donne les images là, parce que vous ne les voyez pas. On ne sait pas ce qui se passe. Bah, c'était juste pour dire qu'en fait, le festival ouvre le thème du travail. Pour nous, on n'a pas commencé à étudier, en fait, et on s'est dit que c'était une très belle manière d'ouvrir. Ah d'accord, voilà, vous allez, en fait, ça va être un prémisse de la suite de l'année, quoi. Voilà, c'est d'accord. Ça. D'accord. Okay. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci au lycéen de Saint-Ouen. À vous. Oh là là, Flo me glisse dans l'oreillette. Qu'elle a quelque chose à nous dire, qu'elle a rencontré quelqu'un. Parce que le thème de filmer le travail, c'est... Utopie, dystopie, voilà. Au travail. Et donc Flo est partie à la rencontre de quelqu'un dans le bar. Oui, j'espère que ça qu'a-t-elle à nous raconter? Et je voulais poser une... Comment tu t'appelles? Je peux te tutoyer? Oui, Jenny. Bonjour. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Chanteuse. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Chanteuse. Waouh. C'est quoi? Non, enfin, j'écris des trucs et je... Voilà. Mon métier idéal, c'est écrire. Quoi? Merci, Flo. Merci beaucoup. Merci, Jenny. Et vous? Merci beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire comme boulot? Et quel est... Ouais, plus tard. J'ai que 17 ans, enfin, c'est tout pour savoir. Mais justement, c'est ça. Tu reviendras dans 10 ans et tu me diras si tu fais vraiment ce que tu voulais faire. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire? Bah, je voulais faire des trucs de star, quoi. Enfin, je sais pas, être... Je sais pas trop. Je sais plus, franchement, je sais plus. Je voulais juste être passée à la télé. C'est comme... Voilà, c'est tout. Et voilà. Merci. Alors, je crois aussi qu'on a... Alors, après le lycée, c'est les étudiants, hein. Donc, on a, je crois, Erwan et Sevana qui sont avec nous. Ok, bah Sarah, je te laisse. Très bien, merci. Donc on est très content aussi d'accueillir deux étudiants qui sont membres d'une équipe particulière dans le cadre du festival Film et le Travail. Et donc tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter un peu. Alors, je m'appelle Sévana, je suis étudiante à l'Université de Poitiers et je suis en troisième année de sociologie. Et donc, moi c'est Erwan, je suis étudiant à l'Université de Poitiers aussi en master cinéma et théâtre contemporain en première année. Donc tout ce qui est axé autour de la médiation et de l'éducation à l'image et par l'image. Merci. Et est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment a commencé cette aventure au sein de Film et le Travail pour vous ? Alors, pour mon cas en tout cas, j'ai une professeure qui s'appelle Hélène Stevens et qui est coordinatrice aussi au sein du festival Film et le Travail. Et du coup, lors d'un TD, un travaux dirigés, en sociologie du travail, elle nous a présenté le festival et nous a demandé si on voulait participer à un atelier d'écriture qui mettrait en place un journal qu'on diffuserait pendant toute une semaine. Donc là, il est diffusé d'ailleurs actuellement. Voilà. Nous a dit, pour participer à cet atelier d'écriture, écrire des critiques, des films proposés par le festival, des interviews de réalisateurs, des sortes de jeux de mots mêlés par rapport au film, des petites phrases accrocheuses, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et donc, pour moi, ça a commencé avec le master, justement, parce qu'on a des projets dans le master qui sont des projets tutorés, où on bosse chacun dans la classe, on est au moins deux ou trois, à bosser avec les différentes infrastructures de Poitiers. Moi, je me suis retrouvé avec Film et le Travail. Et donc, en travaillant avec Film et le Travail, on devait faire de l'éducation à l'image dans les lycées. En tout cas, on n'a pas été jusqu'à Saint-Ouen, mais, nous, on était faire le tour des lycées de Poitiers, etc. Et donc voilà, et en même temps, quand on nous a présenté l'association, on nous a dit, voilà, il y a un journal critique qui va s'ouvrir. Et vu que Tony, donc, qui travaille avec moi, avec Film et Travail, et donc moi-même, on nous a proposé de faire partie du journal. Et à ce moment-là, on s'est dit oui, parce que comme ça, ça rajoute un peu de profondeur dans le travail avec Film et Travail, justement. Merci. Et pour en venir à concrètement, qu'est-ce que vous faites au jour le jour dans le cadre de ce festival? Est-ce que vous pourriez nous parler de comment se passe une journée pour vous? En soi, c'est surtout ça dépend de comment est construite la journée par rapport aux critiques qu'on a à faire. C'est-à-dire que chacun, on a des critiques qui nous sont imposées, où on a su à l'avance, où on peut voir des films à l'avance. Par exemple, quand c'est le cas de Brazil, par exemple, qui est un gros film qu'on a l'occasion de voir à l'avance, on peut le faire. Quand c'est des films de la compétition, on a pu les voir en avance aussi, parce qu'on a, justement, on a eu accès au dépôt de films. Et à un certain moment, on n'a pas eu accès du tout, donc il fallait aller aux séances et voir le film, etc. Mais on a préparé souvent à l'avance les critiques. Et après, c'était surtout dans la journée, enfin, en tout cas, moi, je construis ça comme ça, c'est que je fais ma critique, etc. Et puis, s'il y a un film que je veux aller voir, je fais en sorte de faire la critique avant pour aller voir le film que je veux voir. Et je m'arrange comme ça. Mais en soi, après, c'est beaucoup d'alternance entre cinéma et écriture devant le PC, voilà. Et après, donc, à la fin, si vous parlez de la fin de journée. Ouais, et puis, par exemple, je sais que pour le film Arabia, mardi, ce film, il n'était pas en accès à la plateforme avant. Donc, on devait se rendre à la séance et faire la critique le lendemain et la rendre, on a une horaire, la rendre avant 16h. Ensuite, à 16h30, on a un atelier d'écriture justement et de rédaction. On corrige les articles, on vérifie les phrases, etc. On met en place quel article va à la première page, deuxième page, etc. Et à 18h30, il est terminé. Ensuite, on finit les dernières modifications et puis le lendemain, il est publié. Voilà. Et du coup, vous vous êtes rencontrés dans le cadre de ce festival, vous ne connaissiez pas avant ? Pas du tout. Et du coup, comment ça se passe, cet exercice collectif de découverte de l'équipe et de rédaction collective ? Comment ça se passe ? Alors, très bien. Justement, on vient de plusieurs horizons, donc de sociologie, d'art du spectacle et de sciences po-lettres. Il y en a aussi de sciences po-lettres. Et donc, chacun apporte finalement sa pierre à l'édifice. Donc, nous, pour parler en sociologie, on apporte des notions sociologiques. Donc, sur le travail, c'est très important. Les notions sur le monde ouvrier, etc. L'art du spectacle, c'est un peu plus technique. Le cinéma. Et puis, sciences po-lettres, ils ont la rédaction. Donc, on mélange tous ces savoirs. Et du coup, ce qui fait qu'on sort un journal pluriel. Voilà. Qu'on aime lire, n'est-ce pas? Et peut-être quelques dernières questions, si j'ai un peu de temps. Si on a un peu de temps. Donc vous, vous êtes dans deux disciplines un peu différentes. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ce, cette expérience-là dans vos choix professionnels, dans l'apprentissage de votre métier pour plus tard, en fait ? Moi, personnellement, en tout cas, c'est plus que déjà l'écriture, c'est un truc que j'apprécie beaucoup depuis, beaucoup d'années. Quoi, justement, quand j'ai commencé à faire de l'option cinéma dans mon lycée, c'était déjà une base quoi, de faire de l'écriture. Vraiment, c'était poussé de faire des scénarios, etc. Et après, quand on est arrivé en grandissant dans la fac, etc., on a eu des cours de critique et tout. Et finalement, en fait, l'écriture est toujours présente au final partout. Et ça permet aussi de... Après, moi, personnellement, je sais que c'est pas vraiment plus la critique vers laquelle je vais me diriger, le métier vers lequel je vais me diriger, mais disons que c'était déjà aussi des trucs qui me prenaient des fois en tête, de me dire, un jour, peut-être que je voudrais faire un truc à la manière des cahiers du cinéma et de faire péter toutes les conventions du cinéma et puis de faire tout voler en éclats, puis avec de la critique, quoi. C'est ça qui était beau aussi à cette époque-là, avec ce journal. Mais après, ça permet aussi de se forger un avis critique, disons, par exemple, je sais pas pour toi en tout cas, mais moi maintenant, dès que je sors d'un film, ça m'aide encore plus à avoir des idées pour parler d'un film, quoi. On a plus d'avis, on a plus de profondeur, disons, d'expression sur le film, quoi. Et pour mon cas, la sociologie, c'est une science très plurielle. On peut toucher à tout, donc au travail, au genre, quoi d'autre, la politique, enfin vraiment plein de choses. Et donc, on sait très bien qu'un film, c'est très pluriel. On peut aborder plein de sujets. Et finalement, ça apporte, de voir des films, de la critique. Puis même en sociologie, on écrit beaucoup. Il faut un esprit de synthèse. La critique apporte cet esprit de synthèse. Et c'est une expérience enrichissante. Après, moi, pour mon projet futur, ça va pas direct. Il n'y a pas un lien direct, mais c'est toujours une expérience bonne à prendre. Et puis on rencontre des gens, les lycéens qui étaient là aujourd'hui pour dans le cadre de filmer le travail et puis pour voter. On a pu discuter avec eux et puis on est très contents qu'ils aient pu découvrir. D'une certaine manière, ils ont fait une critique, ils ont voté, donc ils ont donné un avis, puis ils ont rencontré un sociologue, etc. Donc c'est aussi un mélange de rencontres et c'est quelque chose de très très bien. C'est vrai que ça aide aussi à ouvrir les perspectives, par exemple, moi, quand je vois Sévena parler de socio, c'est un truc... la socio, c'est un truc que je connaissais globalement, mais vraiment globalement. Et au final, ça permet de découvrir d'autres filières, puis vraiment de découvrir vraiment une autre discipline qu'on ne pensait pas. Par exemple, la socio, je ne pensais pas ça aussi... aussi profondément que maintenant, quoi. Donc, C'est super. Plein de découvertes, quoi. Ah, c'est clair. Et peut-être une dernière question. Oui, je crois que j'ai le temps. Peut-être une dernière question. Toi, par exemple, je sais que tu as fait quelques ateliers avec des jeunes publics. Ouais. Est-ce que tu voudrais un peu nous en parler? Parce que c'est une démarche qui t'intéresse dans le cadre du travail de médiation. Ouais. Et donc, c'est plutôt... est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais. C'est surtout que ça a commencé l'année dernière quand j'ai fait un stage dans un lycée. Et où là j'ai tourné un documentaire avec des lycéens justement où en gros on m'a mis à la réalisation, on m'a dit je vous crée une équipe de lycéens et vous les envoyez faire des images. Ça a commencé là-dessus, surtout le travail avec les jeunes disons plus. Et c'est plus que ça m'a ému quand je suis parti, parce que justement j'ai vu tous les lycéens pleurer quand je suis parti, c'est plus ça qui m'a vachement ému. Et résultat, quand je suis arrivé sur Filmer le Travail, on m'a dit tu vas aller dans les lycées pour leur éduquer le cinéma, etc. Je trouvais ça vachement intéressant, parce que c'est vrai que c'est... Ce qui est important, c'est la transmission de connaissances, quoi. Disons, c'est ça que j'adore, moi, dedans, justement, c'est que, par exemple, moi, j'arrive, je présente un truc que eux connaissent pas forcément, ils apprennent des choses, et moi, en même temps, j'apprends aussi comment est-ce qu'ils pensent, etc. Et on a eu ça là-dessus, on a eu aussi le fait de choisir, par exemple, la Tortue Rouge pour le festival, ou justement, par exemple, de parler avec des de se mettre à la place de CM2, par exemple, comment on réfléchit à la place d'un enfant de CM2 quand on a le cerveau de quelqu'un de 21 ans. C'est vrai que c'est quand même assez, assez spécial, quoi, disons, mais c'est ça qui est vachement beau, en fait, on a la connaissance des autres qui arrive aussi dans les deux sens, quoi, disons. Super, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Et du coup, qu'est-ce qui nous attend pour la suite du programme? D'abord, on va rappeler que nous sommes à l'envers du bocal avec la Caradoc et les étudiants du Créadoc, qu'il est 18h30 ou 14h30 si vous nous écoutez sur Radio Pulsar ce vendredi 15. Et on va relancer quand même un petit jingle. Très bien. Et on se retrouve après. Juste après. Prends le temps de vivre, tu vas te tuer au travail. Travailler, c'est trop dur. De tuer au travail. Et voler, c'est pas beau. Les étudiants du Créadoc vous emmènent au festival Filmer le Travail. Du 11 au 15 février, sur Radio Pulsar 95.9. Et on retrouve Evelyne Coutant, qui nous a rejoint à l'envers du bocal. Alors là, il y a un peu de bruit parce que les lycéens de Saint-Ouen s'en vont. Au revoir. Bon retour à Saint-Ouen. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour à tous. On vous a rencontré hier à la Caradoc. Hier à la Caradoc, ouais. Pendant les écoutes, ouais. Vous êtes venus. Comment vous avez... Comment j'ai vu écho de, eh bien, de notre... comme dirait l'autre, j'ai vu la lumière et je suis rentrée. En fait, non, j'ai entendu du son à côté d'une église. Rien de bien surprenant. Si ce n'est que, ce que j'y ai vu, c'était une affichette qui indiquait que vous étiez présent dans le cadre du festival Filmer le travail. Ouais. Et évidemment, ça m'a interpellée. Quelqu'un m'a dit, bah, écoutez, venez, vous pouvez même venir prendre un petit café, ce qui était bien agréable. Donc, je suis allée dans la caravane et j'ai bon découvert... Café de la caravane. Et bon café de la caravane, ouais. Café chaud et chaleureux. Et j'ai découvert, j'ai découvert effectivement ce que vous faites parce que je connaissais Créadoc, mais je n'avais pas... J'avais pas pu prendre l'occasion, saisir l'occasion de vraiment voir le travail que vous faisiez. Et hier, eh bien, j'ai dit oui pour un quart d'heure. Je suis restée une heure et quart. Ah, on est content. Et j'ai écouté tout ce que vous aviez fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, vous, personnel, ouais. De ce que vous faites ouais. Dans la vie ? Oui. Alors, effectivement, si ce que vous avez présenté hier m'a interpellée, c'est que moi, je suis juriste de formation. Ça fait 15 ans que j'œuvre pour le monde de l'entreprise et je dirais que sur les 15 ans, ça, j'ai dû travailler 3 ans dans ma vie. 3 ans où je me suis dit, ouf, là je vais au labeur. Les 12 années au préalable, je n'allais jamais au travail. Je me levais le matin avec une envie d'aller œuvrer pour les gens, de travailler, de faire des choses ensemble. Autant vous dire que les 35 heures, j'ai très vite oublié ça, mais c'était une passion parce que c'était un travail humain. Et en fait, mon travail, c'est d'accompagner les entreprises. Donc, je suis juriste dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, j'interviens auprès des TPE, des PME. Et pendant 10 ans, c'était pour les questions de gestion de ressources humaines, donc du recrutement jusqu'à la sortie du salarié. Et puis rapidement, quand j'ai commencé à voir des contentieux arriver, je me suis dit, c'est pas possible qu'une entreprise aille au contentieux. Un contentieux, c'est la fermeture d'une structure quasiment, ou du moins... une très grosse entaille dans la caisse, donc c'est compliqué. Il faut essayer d'anticiper ces problèmes-là et faire en sorte qu'on n'y arrive pas. Et donc, rapidement, je me suis inquiétée de l'amélioration de la qualité de vie au travail et qui passe par énormément de dialogue, de compréhension. Et là où je vois la différence, c'est quand on va sur le terrain, on n'est pas du tout vu en tant que juriste de la même manière que si on arrivait en comme on dit dans le jargon, en termes en vêtements de pingouin, noir et blanc, depuis un bureau. C'est absolument... un discours distant, quoi. Voilà. J'aimerais comprendre comment vous intervenez dans ces entreprises. Vous êtes embauché par l'entreprise ou c'est des gens qui viennent vous voir au sein de l'entreprise pour parler des problèmes qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise ? Alors, c'était une mission de service public. Hein. Je dis c'était parce que l'année dernière, elle s'est terminée pour des raisons de budget. Mais en fait, c'était une collectivité qui payait, qui me payait mon salaire. Et moi, j'intervenais dans l'entreprise suivant les problématiques. Alors, vous savez, quand vous proposez ce genre de service sur un territoire, les gens ne prennent pas beaucoup de temps à vous trouver. Hein, parce que, évidemment, c'est une question de rédaction de contrat de travail, c'est une question de recrutement, c'est une question de j'ai un salarié qui a mal au dos en permanence, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la question, c'est je vais agrandir mon entreprise, toutes mes machines, mes pilotes que j'ai organisés, que j'ai imposés, je les ai pas tellement bien organisés les uns à la suite des autres. Est-ce que vous pourriez m'aider à tout ça ? Et puis avec des partenaires, on arrive à se rassembler, dont notamment évidemment la RACT, mais il y a la CARSAT, il y a la médecine santé au travail, il y a la PASS. Et on essaie de travailler sur ces sujets-là, quoi. Voilà. Et vous n'avez pas une spécialité par hasard ? Enfin, sur les... Le son au travail, ouais. Les nuisances sonores au travail. Ouais. Alors effectivement, dans les dernières années, les trois dernières années, je me suis vraiment inquiétée dans l'amélioration de la qualité de vie au travail. C'est vous qui vous êtes spécialisée là-dedans ? C'est moi qui ai décidé de proposer ça à la collectivité qui me recrutait. Parce qu'en fait, quand on regarde dans une entreprise qu'est-ce qui ne va pas, c'est le contentieux, qui fait que contentieux du droit social. Ça peut être aussi des conditions générales de vente mal rédigées qui vont faire que le chef d'entreprise fait du travail mais ne récupère pas ses sous. Mais effectivement, la qualité de vie au travail, c'est un très très gros, dossier. Parce qu'aujourd'hui, je dirais depuis 2008, les gens s'inquiètent véritablement de leur qualité de vie au travail. Ils ne viennent pas travailler pour le salaire, pas uniquement. Et c'est une source d'enrichissement dans tous les sens du terme si on améliore la qualité de vie au travail parce qu'il y a moins d'arrêts maladie, les gens sont donc plus présents, il y a une équipe qui est présente tous les jours, il n'y a pas d'absents, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de heurts et les gens sont contents de venir. Donc c'est très intéressant de tirer les choses vers le haut. Et donc il y a trois sujets dans l'amélioration de la qualité de vie au travail. Il y a ce qu'on appelle les risques psychosociaux. hein, les burn-out notamment, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les troubles musculo-squelettiques et puis les risques cancéro-mutagènes. Donc je me suis un petit peu penchée sur les risques cancéro-mutagènes parce que c'était un dossier qui était très chaud dans le territoire où j'étais, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire et de la métallurgie, et puis d'autres entreprises de type soins de beauté où il y a pas mal de produits chimiques qui sont dans ces professions-là. Et je me suis dit, oui, quand j'ai commencé à travailler dans les entreprises donc, de métallurgie, le son, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Et c'est ce qui, justement, hier, en écoutant ce que vous aviez fait, je dirais que c'est à la fois des fois le son m'agressait dans les entreprises, donc le bruit. Mais hier, en écoutant ce que vous aviez fait, ça n'a fait que sublimer, que davantage mettre en exergue ce que j'avais déjà ressenti au préalable. Voilà. Qu'est-ce qui vous a choqué, par exemple, comme son Alors, ce qui m'a choqué, quels étaient les thèmes des différents documentaires? Alors, les thèmes hier, en fait, quand je suis arrivée, c'était des thèmes qui tournaient autour du monde de la santé, qu'un thème que je connaissais bien parce que j'ai eu sur ce territoire-là jusqu'à 12 établissements de santé, donc 10 maisons de retraite, enfin en tout cas EHPAD aujourd'hui. Et effectivement, hier, j'ai écouté la bande-son d'une personne qui était ambulancière, une personne qui est infirmière libérale. Et factrice, et puis une autre personne aussi qui était chauffeur routier. Et en fait, ce qui m'a interpellée énormément au tout départ, c'est que le son, quand on se concentre que sur le son et qu'on n'a plus l'image, on est vraiment dans la pureté du son. Dans le sens où, quand j'entendais une dame, par exemple, qui descendait, celle qui faisait des soins à domicile, qui descendait de sa voiture, le trajet au travail, c'est une source de risque très fort. Et ce trajet-là, cette personne, elle ouvrait sa portière, elle claquait la portière et le pied était posé manifestement sur des petits graviers. Bon, vous imaginez cette femme avec des petites chaussures, avec tout petits talons, faire ce geste-là X fois par jour. Et je me disais, mais quand on a une image, je voyais mal la personne filmer, faire un gros plan sur le pied. Je me suis dit, on va voir la portière s'ouvrir, la personne va descendre et la caméra va aller se poser sur la maison qu'elle va aller visiter. Donc autrement dit, il y a une dissonance cognitive. L'œil s'en va vers une image et on laisse le son derrière. On n'entend pas très bien les petits cailloux. On les entend, mais l'œil est parti ailleurs. L'oreille est sur le son et les yeux sont sur l'image. Et quand j'ai vu justement que précisément je ne voyais pas l'image, eh bien je suis rentrée complètement dans le son et je me suis rendu compte à quel point le son traduisait véritablement, quand il n'y a que lui pour nous servir la cause du travail, l'usure. J'ai entendu d'un seul coup toutes les portières qui s'ouvraient, qui se fermaient, les portes du poids lourd où il fallait monter, les souffles du monsieur quand il arrivait à l'étage de son camion, les portes des maisons pour le facteur qu'il fallait qu'il ouvre, qu'il ferme, son sac qu'il ouvrait, qu'il fermait, les portières des maisons, les chaises des gens, les soupirs des gens qui traduisent des fois des attentes, des fois des impatiences, des fois des douleurs, des fois des désespoirs. Toutes ces choses-là, et je me suis dit, mais ça traduit vraiment l'effort que demande le travail, et voire même, justement, l'usure. C'est-à-dire qu'on va au-delà de l'effort. Et on se rend compte, dans ces cas-là, à quel point on demande à l'humain, tout le temps, le dernier maillon de la chaîne, de s'adapter. Et ça, c'est vrai que, dans le son, hier, j'ai trouvé que c'était extrêmement important de n'écouter que le son. Enfin, en tout cas, pour les métiers, ces métiers-là que j'ai entendus. Mais c'était très, très important, oui. Vous disiez que vous avez travaillé avec des gens qui travaillaient dans la métallurgie aussi. Oui. J'imagine que c'est vachement important aussi le son des machines, oui. Des moteurs. Oui, des... Oui, oui. Non, non, mais comment les gens le vivent? Alors les métiers de la métallurgie, c'est des métiers. En plus, on a très souvent encore aujourd'hui des gens qui ont un mental particulier. Qui sont dans le « je suis fort, je pourrais vaincre ». On a beaucoup de ça dans ces professions-là. Et quand vous arrivez dans une entreprise qui fait de la découpe de ferraille ou qui plie de la ferraille, déjà vous rentrez par terre. Aujourd'hui, les entreprises arrivent à être quand même plus propres qu'il y a déjà une petite dizaine d'années. Mais vous enjambez des barres d'IPN, d'IPH, des tôles. Il y a de la découpe, il y a des points de soudure, il y a de la poussière. Il y a des barres de fer un peu partout sur les côtés. Et les gens bougent ça entre eux. Vous vous demandez comment ils font pour ne pas s'assommer au passage. Et c'est des usines, si petites soient les unités. Moi, j'ai passé des fois 4 jours de rang dans ces entreprises-là avec des bouchons d'oreilles. Hein. Et ben, je me couchais le soir, j'entendais encore les bruits. Parce que c'est tout le temps. Quoi. Imaginez-vous... bouger des bouteilles quand on a des amis le soir et qu'on range, on ne peut pas faire autrement que faire du bruit. Ben là, c'est la même chose sur du fer, tout le temps. Quoi. Donc c'est des métiers, la métallurgie, où le bruit est omniprésent. Et c'est un bruit qui est très vite si lent. Parce qu'en fait, on est dans la soudure, ça fait du bruit. La découpe, si elle est au lapidaire, on fait du bruit. Les plieuses, avec les compressions, ça fait du bruit. Et je ne vous parle même pas des découpeuses plasma et des découpeuses laser. C'est extrêmement décapant pour les oreilles. Hein. Ouais. Et est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Peut-être qu'en sociaux aussi, vous avez rencontré des gens qui sont au travail, je ne sais pas. Peut-être par rapport au film qu'on a vu aussi pendant ce festival. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qu'Evelyne a dit? Nous on a étudie beaucoup de textes de sociologues qui font référence justement à ces souffrances là notamment par exemple il y a un sociologue David Gaborio qui parle des personnes qui travaillent par exemple dans Amazon qui ont un casque sur la tête et qui entendent à répétition les ordres et mais c'est constamment et à un moment donné ils doivent aussi prendre les cartons, les mettre sur une sorte de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... palettes, etc. Et c'est répétitif. Et même par rapport aux maladies aussi, il y a des gens qui se plaignent des maladies. Et ça, c'est récurrent. Enfin, on le voit énormément en sociologie. On peut parler des inégalités, le travail ouvrier, comme par exemple d'être ouvrier ou cadre. Ce n'est pas la même chose. On a plus d'espérance de vie si on est cadre qu'ouvrier. Et ça, c'est en référence aussi par rapport à ce que Evelyne disait, quoi. Mais ce qui est marrant par rapport à... Enfin, ce qui n'est pas marrant, mais... par rapport à ces gens dans les entrepôts qui ont des ordres dans les oreilles en permanence, dès qu'ils ont... ils ont des commandes et ils doivent répondre des choses. Et dès qu'ils disent bonjour à un collègue ou dès que c'est un truc qui ne rentre pas dans les ordres et les réponses qui doivent être données, ça fait des erreurs tout le temps, en fait. L'humanité est... Tout à fait. Bon, en fait, ils font tout. Ils font tout pour que... Enfin, l'entreprise, voilà, surtout les grandes entreprises, font tout pour que les salariés ne puissent pas discuter entre eux et augmenter la rentabilité, de dire, vous faites votre tâche et puis c'est tout. Et ils sont dans des lieux très cloisonnés. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de discussion entre les salariés. Et ça, la sociologie, les travaux sociologiques le décrivent énormément. Et comment vous aidez les travailleurs alors à se défendre là-dessus? La première chose, je vais repartir sur ce que vous veniez d'énoncer un instant. Pour ce qui est de l'usure au travail, c'est vrai que des métiers comme ceux que j'ai présentés, on a des moyens d'interagir qui sont assez nets. Il faut commencer par travailler à la source du bruit, c'est-à-dire comme le prédit le document unique d'évaluation des risques, il faut commencer par travailler à l'anéantissement du produit à la source. Et puis après on s'éloigne de la machine pour après essayer de mettre la machine plutôt dans un endroit qui est isolé, et puis au final on finit par équiper l'humain. Donc l'humain c'est la dernière sur les 9 points qu'on doit analyser pour enlever une nuisance, c'est le dernier point sur lequel on peut agir. Alors il est évident que dans le bruit, on a quand même des bouchons d'oreilles, on a tout un tas de choses qui permettent d'agir. C'est très fatigant, il faut aussi que dans les mentalités ça s'ancre, et pour le coup, je trouve que depuis quelques années, ça fonctionne assez bien. En revanche, ce que vous venez de citer, quand vous parlez d'espérance de vie supérieure pour les gens qui sont cadres, dans quelles conditions on peut avoir une espérance de vie plus longue quand on est en permanence sollicité comme ça? Et c'est vrai que ce qui se produit, c'est qu'on a des gens qui ont le cerveau qui est en permanence activé, et c'est là où on a des risques psychiques très forts, notamment des burn-out. Ouais. C'est exactement ce que vous disiez, mais après, juste une grosse comparaison un peu grossière, de dire que voilà, un ouvrier qui passe sa vie, par exemple un ouvrier agricole qui passe sa vie au travail la plupart du temps dehors, son corps s'use quand même physiquement, pas psychiquement, enfin aussi, mais surtout physiquement, beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui est dans un bureau. En fait, c'était ça la comparaison, mais ce que vous avez dit, c'est exactement, c'est tout à fait vrai. Merci beaucoup à vous pour cette discussion. Il y a aussi Jacques et Marc qui sont arrivés sur le plateau. Je leur laisse la parole. Ils ont un message à faire passer, hein, parce qu'ils sont venus nous voir à la Caradoc quand même. Bonjour. Écoutez, je suis un vieux bonhomme et je voulais vous dire, on m'a demandé, Marc m'avait parlé de l'Algérie. L'Algérie, j'y suis jamais allé parce qu'en 1950, dans les années 50, quand on lui m'a envoyé faire la guerre, l'Algérie, j'ai refusé. L'Algérie, c'est le thème de... Le pays à l'honneur, oui, de Filmer le travail. Donc, j'espère y aller quand je serai vieux. Je n'ai que 85 ans, il t'en reste encore. Par conséquent, bon, d'autre part, le travail. Le mot travail, Marc vous le dira, il est plus compétent que moi. Ça vient d'un mot latin, tripaleum, qui voulait dire torture. En ce sens, j'ai été salarié 43 ans et je ne me suis jamais senti torturé. J'ai travaillé à la mine, à 700 mètres de profondeur. J'ai fait plein de métiers, conducteur automobile, etc. Maître nageur, prof, même prof, c'est vous dire que... Hein. Bon. Et j'ai toujours eu le sentiment que ce travail que j'exerçais m'apportait beaucoup plus qu'il ne me coûtait. Je suis toujours allé bosser, quel que soit le travail. Vous savez, quand j'avais 18 ans et que j'avais 19 ans, que je descendais à 700 mètres de fond avec des mineurs, et à l'époque, les mineurs, c'était pas des... Il y avait le cheval qui tirait le chariot, on y allait à la pioche, à la pelle. Je découvrais tellement de choses qui m'ont passionné et qui m'ont appris énormément. Pour moi, le travail, j'ai peiné, j'ai subi un certain nombre de fatigues, d'efforts, mais je n'ai jamais eu l'impression qu'on me torturait. Je voulais vous dire, je crois que tout dépend de la manière dont vous abordez le travail et que c'est très intéressant, même quand les métiers sont très, très différents. Hein, quand j'étais maître nageur sauveteur, j'allais chercher des gens qui se noyaient. Oui, quand j'étais maître nageur sauveteur, j'allais chercher des gens qui se noyaient. C'est pas plaisant de ramener un truc tout blanc, tout pâle, etc. Tout le monde pleure sur la plage. Mais j'en ai ramené quelques-uns vivants, donc ça compensait un peu. Je courais évidemment un risque, hein. C'est comme plein de choses comme ça. Donc ce que je vais vous dire, je crois que l'important, c'est de trouver un certain plaisir. Il faut choisir. Bon, je n'ai pas toujours eu des métiers difficiles, mais j'ai lavé la vaisselle, j'ai même rapporté un diplôme de chef conducteur de machine à laver la vaisselle quand j'avais 20 ans. Hein. Vous imaginez un peu, derrière mon bureau, si j'étais devenu quelqu'un d'important avec conducteur de machine, 10 machines chevrerées pour Soliden et Stockholm. Bon, bref. Bon, des métiers pénibles, des journées fatigantes, mais toujours le plaisir de faire quelque chose d'intéressant. Je crois que c'est ça ce qu'il faut que vous choisissiez dans la vie, quelque chose qui vous passionne. Alors bon. nous les jeunes, c'est ça? vous, tous les gens qui sont là. Hein. Oui, écoutez, je vous ai dit que j'avais 85 ans. C'est vous pas nous vrai, aviez dit que vous aviez un message pour les jeunes. Si je vais les avoir dans 3 mois, donc je suis encore jeune, parce qu'on est jeune à 86 ans maintenant. Et vous avez Vous avez des projets motivants pour les jeunes, c'est ça, hein? C'est oui, ça aussi dont vous... On peut parler aussi de reconversion professionnelle pour les plus vieux. Hein, nous envoyons l'association dont Marc et moi sommes membres. Nous envoyons chaque année... C'est quoi cette association? L'association des lauréats Elidja. Nous envoyons chaque année une centaine de jeunes de 16 à 20 ans à travers le monde. Maintenant, le tour du monde, c'est une rigolade. Quand j'ai eu 60 ans et qu'on m'a dit que j'étais plus bon à travailler et qu'il fallait que je cède ma place aux jeunes, j'ai pris mon sac à dos et j'ai fait un tour du monde en stop. Bon, il y a 6 ans, quand j'ai eu 78 ans, j'ai pris mon canoë et j'ai descendu le Danube sur 2500 km à la rame. C'était fatigant, mais c'était pas un travail. C'était passionnant. Les gens que j'ai rencontrés, que ce soit autour du monde ou bien en descendant le Danube, c'est parmi les meilleurs souvenirs que j'ai de la vie. Et qu'est-ce qu'ils font ces jeunes que vous envoyez aux quatre coins du monde? Tous les sujets, vous pourrez être candidat. Je vais vous donner la parole à Marc. Enfin, juste pour vous compléter, oui. Moi, quand j'avais, je ne sais même plus quel âge, je ne sais pas, peut-être 15-16 ans, j'ai voulu postuler à cette bourse. Et en fait, on peut tout faire, on peut proposer tous les sujets qu'on veut, les sujets photographiques, cinéma. On n'intervient pas. On peut tout faire maintenant, et partout dans le monde. Au retour, on doit rendre un rapport écrit que l'on traduit pour les meilleurs en livre ou en film. J'espère venir l'année prochaine vous présenter le film sur mon voyage. Et puis peut-être que mon bouquin va être écrit, il s'appelle « Haut à tonnage ». Parce que c'est ce que tout le monde me dit maintenant, quoi que je fasse. Hein? Je fais du parapente, à tonnage. Je plonge de 10 mètres, à tonnage. J'ai une petite amie, à tonnage. Mais enfin quoi, quand même, je ne suis pas mort. Hein. Bon, enfin, c'est quand même invraisemblable. Bon, effectivement, je ne suis plus comme j'ai été. Hein, mais je vis encore et je travaille. J'ai construit ma maison, j'ai construit mon bateau. Il fait quand même 28 mètres de long. Et j'ai construit mon premier ULM. Bon, j'ai pas arrêté de travailler, et même encore maintenant. Je me lève à 7 heures du matin, et puis je me couche fatigué, mais rien à voir avec tripalium, rien à voir avec torture, rien à voir avec... voilà. C'est ça ce que je voulais vous dire. Parce que vous avez pu choisir? Écoutez, j'ai eu la chance de rater mon bac, et mon père m'a coupé les vivres. À ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je m'autogère un petit peu plus. Donc j'avais réussi le permis de conduire C'est le seul examen que j'ai eu du premier coup. Hein. Et je me suis trouvé comme chauffeur. Bon, à 18 ans et demi, je conduisais un patron. J'étais chauffeur de maître. Bon, avec une traction avant qui plafonnait à 135, mais sur les routes de 1952, c'était quelque chose. Hein. Bon, par conséquent, il y avait même un risque. Mon patron était un peu fou, il a été tué l'année d'après par le chauffeur qui m'a succédé. Donc, il voulait 100 de moyenne. Vous imaginez, dans les années 50, 100 de moyenne sur les routes de l'époque. Bon, enfin bref, j'ai essayé de toucher à beaucoup de choses. Ça marche ? Oui. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous aviez des rêves que vous arriviez à supporter tous ces Si vous me parlez des rêves, j'en ai encore beaucoup plus que je n'en ai réalisé. Est-ce que c'est ça qui permet de supporter le travail ? Je pense partir bientôt faire la route de Mexico à Ushuaïa, en stop, en bus, en car, en train, en m'arrêtant dans les alliances françaises, en donnant un récital de poésie. Je ne chante plus, j'ai chanté, j'ai été videur dans une boîte de nuit, enfin plein de trucs rigolos. Je ne chante plus, mais je peux dire des textes. J'ai appelé, un jour vous entendrez peut-être parler, j'ai appelé, tiens, chanson d'un autre temps, sans en avoir l'air. Bon, et sans en avoir l'air, ça veut dire que je les dirais au lieu de les chanter. Vous voyez, des choses rigolotes, comme par exemple, Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, dites-vous bien qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Un même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes. Vous saurez ce que je suis. Je crois que votre phrase a été complétée par votre ami Marc. Alors, la qui fin. Essaye de prendre la parole. Alors, ça, c'est de Corneille. Hein. Ça, c'est Corneille, c'est quand même quelqu'un de connu. Mais Marc va vous dire. Alors là, on n'a pas Corneille. La fin, qui a été. La fin, c'est. Peut-être qu'un jour je serai vieille, répond Marquise, cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Voilà. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Vous venez d'assister à un duo. Hein. C'est beau, formidable. Merci. J'ai bien fait de vous amener, Jacques, comme vous voyez. Ah oui, vous avez bien fait, effectivement. Voilà. Et bien, merci de m'avoir écouté. Parler du travail et de sa réaction face au travail. Personnellement, moi, je suis... vieux ici dans le festival bénévole, etc. Je connais le festival. Le 10e anniversaire m'a paru à la hauteur, tout à fait, à la fois par ses films, son invité, ses thèmes-là, notamment Utopie et Travail. Les invités étaient intéressants, Bruno Muel notamment, qui tablait sur les deux, avec Weekend à Sochaux côté utopie et civilisation, et avec sur l'Algérie, mais l'Algérie année zéro. Pourquoi je voulais voir ces films ? À cause notamment de l'Algérie qui me parlait personnellement, parce que j'y ai fait un premier voyage d'Elidja, comme Jacques, et ça m'a permis, tu demandais ce qu'on faisait après dans mon travail de prof, par exemple de faire connaître Leïla Sebar ou Boudjedra avec des étudiants de lycée ou de BTS audiovisuel y compris, Leïla Sebar en l'interviewant, ce qui était des pistes intéressantes. Mais effectivement, il faut entrer dans une dynamique de travail qui soit ouverte aux rêves, ouverte peut-être aussi à la critique et à un regard lucide. De ce point de vue-là, le festival apporte des choses, c'est vrai. Personnellement, je regrette sur ce festival, d'une part, qu'il ne soit pas assez diffusé. Par exemple, Bruno Muel, voir ses films sur les passagers, sur l'immigration, aujourd'hui, ça a du sens. C'est bien dommage qu'on soit les seuls dans des petits coins de salle à les regarder. Et il serait heureux qu'il soit distribué aussi sur des chaînes publiques plus importantes pour donner résonance à ce qui se traite. Et puis, auprès de jeunes, que ce soit des jeunes, ou que ce soit des publics concernés. Par exemple, sur l'Algérie, j'ai posé une question à un moment en disant que des Algériens, s'il y en avait eu dans la salle, auraient pu être bien vus pour dire ce qu'ils pensaient du film de Muel sur l'Algérie année zéro. Personne n'a répondu parce qu'il n'y en avait pas dans la salle ou pas suffisamment. Des jeunes, il n'y en a pas beaucoup, pas assez. De ce point de vue-là, j'ai salué Créadoc qui prend l'initiative avec vous de prendre la parole et de faire quelque chose, et aussi le petit journal qui a été fait par des étudiants. Mais, ici voilà, même. Mais c'est super, c'était merveilleux. Merci beaucoup. Il y avait de quoi lire oui. Un point de vue différent de quelque chose de déjà formaté, de trop mâché, etc. Il y avait une rencontre, il y a Juliana qui est étudiante du Guatemala au départ, pouvait donner, faire entendre des voix différentes. Alors dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on a tenu aujourd'hui, on voulait réagir, parce que moi j'ai 4 jeunes là, qui sont partis découvrir, pas au Guatemala, mais au Pérou, un atelier Incas Vivientes sur le travail-jeu dans un atelier qui redécouvre le travail dans un monde où ils essayent de tirer parti de l'écologie contre la mondialisation dans le commerce des sombreros. Une autre, c'est en Angleterre qu'elle a fait une étude sur le partage du travail. Parce que ici, ce qui est bien dans ce cadre-là, c'est que le travail, c'est pas simplement un objet d'étude pluridisciplinaire qu'on voit, c'est aussi toute la vie qu'il draine autour de lui, qui en participe, qu'on voit dans tous les films qu'on a vus. Et là, ce qui se dit conforte aussi, je pense, cette perspective. Et c'était le mot de la fin. Merci, Marc. Merci beaucoup. Parce que on est désolé, on est obligé de parler. Tout à fait. Dans mon voyage. Alors, Jacques. Attendez. Alors Jacques peut-être. Attendez. Un peu de claquettes. Merci. Voilà, on va. Donc voilà, va falloir qu'on rende l'antenne quand même, parce qu'on est demain sur Radio Pulsar. Hein, donc merci beaucoup à tous. Merci à tous. C'est toujours trop merci court. À l'envers du bocal de nous avoir accueillis. Merci. Et puis merci à vous d'être venus. Et voilà, donc on va relancer un petit jingle Caradoc quand même, parce que voilà. Et puis une petite musique sur le travail, hein. Ça peut être sympa. Mais éventuellement, si une autre année vous intéressez à l'aventure. Caradoc.